Cet été, Sébastien et son copain Julien passent leurs vacances en colonie de vacances en Auvergne. La colo se trouve entre Garabit et Le Puy. Sébastien est un garçon de 12 ans qui a souvent des idées extraordinaires et n'a peur de rien. Son ami Julien est plutôt timide et très raisonnable. Dans le groupe d'ados, il y a 10 autres garçons et Alex, leur jeune moniteur. Alex est étudiant en médecine et profite des grandes vacances pour gagner un peu d'argent. Avec beaucoup d'enthousiasme, il organise des excursions et arrange un programme de divertissement de toutes sortes. Les jeunes habitent dans une vieille ferme rénovée située à environ 1 kilomètre d'un village, près d'une petite route peu fréquentée, au bord d'une belle forêt. Derrière la maison, il y a une grande prairie avec des vaches. La clôture est très vieille et a déjà quelques trous. Pendant les mois d'été, les dortoirs sont fermés et les jeunes dorment à deux dans des tentes confortables. Le soir, autour du feu de camp, les ados ont une sensation de liberté et d'aventure. Tout serait parfait s'il n'y avait pas l'homme étrange au grand sac en plastique noir. Un jour rempli d'activités en plein air s'achève. Le groupe est réuni autour du feu de camp et des saucisses grillent sur de longues brochettes. Sébastien jette un regard sur les monts qui prennent une couleur dorée au soleil couchant. Des nuages dessinent des formes bizarres dans le ciel. Ils se défont lentement pour se reformer de nouveau. « Regarde ce nuage! Il n'a pas l'air d'un géant qui brandit d'une façon menaçante une massue ?» dit Sébastien à son copain Julien. « Tu as une imagination débordante !» répond Julien et il secoue la tête. Quelquefois, il a du mal à comprendre Sébastien. « Peut-être que Sébastien a raison, » dit Alex. L'Auvergne est riche en êtres fantastiques. Ces personnages, bons ou méchants, qui peuplent un grand nombre d'histoires de cette région isolée, accompagnent depuis toujours la vie des habitants. Toutes ces histoires ont été transmises de génération en génération jusqu'à nos jours.